next. Paragraphe. Ceci mis au point, un regard différent, on l'oublie aisément, on nous le rappelle qu'on est différent. On prend des vents, on passe, incognito devant les gens. Parfois on se rabat sur des mauvais plans. Dans les quatre coins de la France, c'est le système D. On a un putain de savoir-faire. Du temps on en a trop, du père à B-E-Z, P-A-R. Tu peux rester scotché une vie entière. Y'a tant de choses à faire, surtout pas faire tiep comme ses victimes. Avec mes saucisses, cette connexion, c'est la dream team. Tu peux te le garder ton taf, je fais le job pour du club. Je continue à mettre des paf, à faire du pif. Sniff pas de coke, je veux pas ressembler à Chucky. C'est ta mère la junkie. Nos mines sont défaites, on fait ce qu'on peut pour conjurer le sort. Tu te souviens, on est venu au monde pour péter le score. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents. Je ne suis que l'ombre de moi-même, un piètre funambule. Des rejets plein la tronche, et dans ma bouche s'articule des reflets de leur France. Qu'à l'école, ils immaculent, télé du parent. On connaît tous la formule, les espoirs de vacances. Mais les galères pullulent, ils s'en mettent plein la panse. Pendant que nos dettes s'accumulent, 25 années d'errance. Quasi autant que je suis plus crédule, entrer dans la danse. Mais on ne fait pas les mêmes calculs, à la recherche du sens. Agrémenté de quelques espoirs de pécule, y'a plus de couleurs pour qu'on t'accule de tous les mots. Et comme je garde le verbe haut, je ne plais pas aux physio. Je suis pas bien vu dans leur bureau, quand on tape l'intérim. Y'a plus de plan, plus de boulot. Leur crise financière, ça fait des dizaines de piges qu'on la chère. Regarde la vie de tes frères, et quel que soit leur épiderme, c'est chaque jour qu'on perd. Et c'est dans ce terreau que nos esprits malades germent, différents à terme, car hors de leurs normes. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents. Éplucher les annonces, appliquer les quotients. Indiquer mes carences juste en guise de caution. Ma distinction, je ne bâtis pas ma potence. Et dans les chiottes de l'usine, je conchis la cadence élémentaire. Comme les fondements de la crise alimentaire. À la city surenchère, c'est au Caire qu'on enterre mes commentaires. Je dois les garder pour ma grande gueule, car vos délibérations ont des relents de grande guerre. Au réveil matinal, les faf, les conformistes se maquillent et s'entalonnent comme des transformistes. Le rouge devient rose, jeunesse infantilisée. Le pouvoir organisé n'a plus un seul poil à lisser. C'est pour ces raisons que je n'ai pas d'amis branchés, qui s'abreuvent de raisins et d'ignobles déhanchés. Nous, on arrosera nos glaçons de jus anisé quand nos esprits auront raison de tout un tas de préjugés. Mais pour l'heure, à qui on suggère de marcher droit alors que les fesses s'agitent pendant le spring break. Pendant qu'on tolère les faluchas, les plans à trois et pour Neverland, un vol direct. L'avenir ne dira rien de plus, le fumier juste la même soupe à laquelle on est déjà accoutumé. Et je tire seul mes conclusions, vu qu'il y a tant de routes à écumer. Je vole de mes propres ailes et vous les déplumez. Non, pas si différent, pas si différent. Mourad, Mourad. Nutri, Nutri et sale cabot. Cabo. Paragraphe, paragraphe. Secret connexion. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents. Dans cette nation, les pestiférés prolifèrent. On n'est pas si différents, on s'accommode de la misère. L'exclusion nous repousse dans nos derniers retranchements. On n'est pas si différents, non, pas si différents.